Alors, toujours dans le domaine des son new, certaines chansons proposent des conseils à ceux qui aspirent au bonheur conjugal. C'est le cas notamment dans la chanson bien connue Al-Abousiyahouat, hein, le petit oiseau dans le bois, bien connu dans plusieurs terroirs de Basse-Bretagne, mais dans le pays bigouden, c'est plus que ça, c'est un véritable tube. Hein, au point que Père Pérennou de Tréguennec l'a appelé l'hymne national bigouden. Et Pierre-Jacques Hézélias, et on parle d'ailleurs dans Le Cheval d'Orgueil, il dit que sa mère, Marie-Jeanne Le Goff, lui chantait cette chanson parce que elle avait le don de faire passer ses chagrins ordinaires. Hein, je cite Elias là, et elle la chantait d'une voix claire et un peu tremblante. C'est le fin du fin, dit-il. Alors ici, on va l'écouter chantée par une chanteuse de Plozévette qui s'appelait Catherine Madec, qui était née à Kervingui, dont j'ai étudié le répertoire. Et on va donc écouter Al-Abousiyahouat, chanté par Catherine Vadec d'Or, Kervingui. Kervingui, Kervingui-Plozévette. Aziz ken bimintin bergornin ma mantel Aziz ken bimintin bergornin ma mantel Agalar kaldi treudin Kan doner diferans Agalar var kaldi treudin Kan doner diferans Mazin Car colonne n'intend aujourd'hui nous sa dit. Colonne n'intend Madonna maman, na vie fin qui contente, Madonna maman, na vie fin qui contente, aya fin mégano de vos pantimans, aya fin mégano de vos pantimans, Autonne maman. A jo mou bar dirger o tonne eo mam A jo mou bar dirger A nina ya landau da bourd an Angleterre A nina ya landau da bourd an Angleterre Gwelo hi ve ganin Nindolen bar dir mou Gwelo hi ve ganin Nindolen bar dir mou, vi mond an Angleterre, i vit kon ma enor. Vi mond an Angleterre, i vit kon ma enor. Kar o plach kola di enor, sol plach ma li burus, kar o plach kola di enor, sol plach ma li burus, kola rai enor, kola rai vertus. Au fin sira doué, colara i vertus. Cascoudé, fils au plat brav, cargelena furnes, cascoudé, fils au plat brav, cargelena furnes, inopies qui river au tisca dures, inopies qui river au tisca dures. Ino pies kiri, vargum zuar bazet, ino pies kiri, vargum zuar bazet, kalare hena ninkin, trai surien ar meriet, kalare hena ninkin, trai surien ar meriet. Voilà, cet enregistrement a été réalisé par Donatien Laurent en 1964, donc au cours des enquêtes là, et la chanteuse était une bretonnante monolingue, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas du tout le français, hein, ne s'exprimait qu'en breton. Alors, parmi les sons new, là, c'est une catégorie assez vaste, hein, il y a des choses très différentes les unes des autres. On trouve aussi des chansons humoristiques et satiriques, des chansons d'ivrogne, par exemple, et aussi des chansons qui raillent les meuniers et les tailleurs. Hein. Les meuniers et les tailleurs étaient l'objet, étaient la cible des critiques des agriculteurs et des pêcheurs qui étaient évidemment plus nombreux qu'eux. Dans le pays Bigouden, on a beaucoup recueilli de chansons qui traitent d'histoires de marins. Et parmi celles-ci, il y a deux qui reviennent plus souvent que d'autres. L'une, c'est Ar Mousseet Bihan, qui est encore appelée Ar Blouzen Vert. Ar Mousseet Bihan, c'est le petit mousse, Ar Blouzen Vert, la courte paille. C'est une version bretonne de « Il était un petit navire ». L'histoire est exactement la même. Et la seconde, parmi les plus fréquentes, donc, raconte l'enlèvement d'une jeune fille par des marins à bord de leur bateau. Donc ça, c'est pas particulièrement réjouissant. Et selon les versions, on trouve plusieurs issues possibles à cette mésaventure. Et en général, la version la plus fréquente, enfin, la version qui est chantée le plus souvent, la fille préfère se jeter à l'eau plutôt que de perdre son honneur. C'est ce qui se passe donc dans cette version bigouden, chantée en 1955 par Marie Andréot, toujours donc cette chanteuse, très bonne chanteuse de Saint-Guénolé. On va écouter simplement le début, hein. Je vous ferai signe quand on... Du gagnin me plaît, du gagnin d'un bâtiment, mais jusqu'à nous d'un sou, tout la liédra. Mais jusqu'à nous dormons, joueurs et bâtiments. Au sol du cross capitaine, d'au petit ménage en quitte, ma salle, maman, sourire, guère, tour et tour à la liédra. Ma salle, maman, sourire, guère, et ma haute d'Aguenia. Au sol du crasse, plein d'yaouan, digoutard d'où m'en m'escoulonna, dans un gagning d'un bâtiment, tour et tour à la liédra, dans un gagning d'un bâtiment, dans un gagning d'Aguignan. Voilà, ce n'est que le début de la chanson, mais bon, elle dure près de 6 minutes, je n'arriverai pas au bout dans les temps si on écoute l'intégralité de tous les enregistrements. Alors, j'en arrive maintenant à la troisième catégorie de chants, les chants religieux, donc les cantiques. La grande majorité d'entre eux n'étaient pas particulières au pays bigouden. La plupart des cantiques bretons étaient chantés dans tout le diocèse, qui a les mêmes limites que le département du Finistère depuis le début du XIXe siècle. Seuls les cantiques de pardon étaient spécifiques, ici comme ailleurs. Dans le pays bigouden, beaucoup d'entre eux ont été composés en breton par l'abbé Jean Guyou quand il était recteur de Pinmard. L'abbé Jean Guyou était natif de Cléder, il me semble, près de Saint-Paul-de-Léon. Et il a été recteur de Pinmard entre 1872 et 1887, et c'est là d'ailleurs qu'il est enterré. Il était doué pour l'écriture de chansons religieuses, ici en l'occurrence, et il en a composé un grand nombre. Il était d'ailleurs surnommé Cantiquer Braz en Escopti, c'est-à-dire le grand compositeur de cantiques du diocèse. Il a composé entre autres Cantique in Trondvari à Arjoie, pour la chapelle, pardon, de la joie à Pinmard, Cantique in Trondvari à Penhorse pour Pouldreuzic, et le dernier qu'il a écrit l'année précédant sa mort est le cantique en l'honneur des marins du Guilvinec en 1886. Guilvinec venait juste alors de se séparer de la paroisse mère, de la commune mère de Plomeur, parce que Guilvinec s'est détaché de Plomeur. Hein. À l'origine, c'était simplement un quartier. Le quartier des marins de Plomeur, et vers 1880, par là, eh bien, les guilvinistes ont souhaité se séparer du reste de la commune de Plomeur. Et donc, la plupart de ces airs de cantique, là, sont chantés sur des airs connus dans, au moins dans tout le diocèse, voire parfois au-delà. Mais ce n'est pas le cas du cantique de Notre-Dame de Penhors, qui s'interprète sur une mélodie qui est également attribuée à l'abbé Jean Guyou. Alors, on va en écouter un enregistrement qui a été réalisé par la maison de disques Moesbreis, qui n'existe plus maintenant, mais qui a existé pendant une vingtaine d'années à Quimper, qui est dirigé par Hermann Wolf, hein, qui était un Quimperrois d'origine helvétique, et il était venu à Pouldreuzic en décembre 1960, et donc le cantique là est enregistré dans l'église paroissiale et non pas à la chapelle Notre-Dame de Penhors. On va en écouter le début, on va écouter 3 ou 4 couplets. Alors, comme c'était la tradition à l'époque, il était chanté tantôt par les hommes, tantôt par les femmes. Il y a une alternance des voix masculines et des voix féminines. Donc, Cantique in Trondvari a Penhors, accompagné à l'harmonium. Il est d'ailleurs toujours chanté, bien sûr, inutile de le dire. De décourter. Alors, je passe maintenant à la dernière catégorie de chansons. Après, je passerai à la musique instrumentale. C'est une catégorie de chansons beaucoup plus récente. Entre les deux guerres, dans les années 30, en gros, il y a eu pas mal de chansons écrites en breton. Le breton était encore la langue la plus courante hein, à cette époque-là. Dans le pays bigoudin, y compris à Plouzévède, le breton était bien plus parlé que le français dans les années 30. Hein. Et donc, il n'est pas étonnant que les gens aient éprouvé le besoin d'écrire des chansons, mais des chansons qui étaient quand même le reflet de cette époque-là, qui étaient très différentes, évidemment, de l'époque évoquée par Guerspenmach, par exemple, ou même l'époque évoquée par la Guers de la ville marquée sur le crime de Trebreven, là. Et puis sur des sujets aussi quand même moins tragiques. Alors, Marie-Aline Lagadic, que certains d'entre vous connaissent, et sa fille Claire-Vie Rivière a utiliser, enfin chante toujours un certain nombre de ces chansons-là. Et on va justement écouter l'une d'entre elles, qui est une chanson composée sur les ouvrières des usines de Saint-Guénolé, les sardinières, oui, c'est ça. Et c'est une chanson satirique. Il y avait beaucoup d'usines de conserve, il y avait au moins entre 8 ou 10, je ne sais pas exactement, conserveries donc à Saint-Guénolé, et les ouvrières ne sont pas tendres les unes envers les autres, elles se moquent d'elles-mêmes et de leurs copines, si je puis dire, hein, mère et d'art friture, les ouvrières donc des conserveries, elles ne se font pas de cadeaux. Alors, on va donc écouter Clairvy Rivière et puis sa mère Marie-Aline de chanter. Ça s'appelle. J'ai noté le titre. Enfin, il s'agit de passer en revue les ouvrières des différentes usines des différentes conserveries de poissons de Saint-Guénolé en leur attribuant des caractéristiques pas toujours très agréables. Elles veulent se piquer les unes les autres, dirons-nous. Des piques, voilà. Mériette rioz ou nos pézec, mériette rioz ou nos pézec. Aman pas du tout le même style, comme vous voulez entendre. Oh, tilibi, tilibon, tiliben de bi, tiliben de bon. Oh, tilibi, tilibon, tiliben de bon. Mériette mirou, roi rico. Tous les noms des usines y passent, quoi. Casse-grain, Chanserel, Mirou. Vous les reconnaîtrez au passage. Tilibi, tilibon, tiliben de bi, tiliben de bon. Bon, tibène, bon. Mériette, tiro, varbord, dano. Mériette, tiro, varbord, dano. Hortos, bagou, d'azion, nano. Hortos, bagou, d'azion, nano. Oh, tilibi, tibon, tibène, bi, tibène, bon. Oh, tilibi, tibon, tibène, bon. Mériette, chancerelles, au mériette, l'or. Mériette, chancerelles, au mériette, l'or. Mériette, chancerelles, au mériette, l'or. Ce qui n'est pas un compliment. Oh, tilibi, tibon, tibène, bi, tibène, bon. Tilibi, tilibon, tilibène, bon. Mériette, casse-grain, va bord à nous. Mériette, casse-grain, va bord à nous. Au classe, potraine, la gavangou. Au classe, potraine, la gavangou. Oh, tilibi, tilibon, tilibène, bi, tilibène, bon. Oh, tilibi, tilibon, tilibène, bon. Mériette, Béziers, chimine, alcor. Mériette, Béziers, chimine, alcor. Zopa, dandé, oris, accord. Zopa, dandé, oris, accord. Le niveau n'est pas très élevé, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mériette roulant au croche-cœur d'aine, Mériette roulant au croche-cœur d'aine. Zo pas dans nous au crave au fen, zo pas dans nous au crave au fen. Oh, tilibi, tilibon, tilibène, bi, tilibène, bon. Oh, tilibi, tilibon, tilibène, bon. Voilà. Donc c'est un style qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on avait entendu juste avant, vous vous en doutez. Non, dans ce cas-là, je dirais, c'est presque tant mieux. Parce que ça, vraiment, c'est au ras des pâquerettes. Bon, alors là, j'en arrive à la musique instrumentale. Alors, la musique instrumentale était essentiellement jouée par les deux instruments, comme on dit, emblématiques de la Basse-Bretagne, à savoir la bombarde, qui est un hautbois très simple, un hautbois ancien, un hautbois rustique, comme on dit, et le biniou bien, bien sûr, le petit biniou à un seul bourdon, qui est un instrument de la famille des cornemuses, c'est-à-dire un instrument où là, il y a une réserve d'air dans une poche en cuir qui permet au sonneur, comme on dit, on appelle sonneur le musicien qui joue du biniou, de jouer de manière continue, c'est-à-dire qu'il peut faire danser sans interruption, parce que le joueur de bombarde, lui, est obligé de s'arrêter, et si la musique s'arrête, eh bien, les danseurs s'arrêtent aussi, donc le joueur de biniou permet la musique continue. Plozévet était un centre important de sonneurs, hein. Il y a eu de nombreux sonneurs à Plozévet. On venait à Plozévet chercher des sonneurs, notamment dans le Cap Sizun. Hein. Il n'y avait pas de sonneurs dans le Cap Sizun, je ne sais pas pourquoi, mais du coup, on disait où est-il parti? Il est parti sonner dans le Cap profond, un peu comme on dit en anglais, the deep south, hein, le sud profond. Ici, c'était le Cap Sizun profond. Il y a eu des familles de sonneurs à Plozévet, je pense notamment à la famille des Guéguin, où il y avait le grand-père qui s'appelait Pascal. Il y a eu ses deux fils et son petit-fils qui était sonneur. Le petit-fils qui est Louis, dont on va parler un peu plus longuement, parce que c'est le seul qui a fait des enregistrements, et on va écouter des enregistrements donc réalisés par par Louis Guéguin, qui était surnommé Jean Pouf. Il était plus connu à Plozévat sous son surnom de Jean Pouf. Contrairement à la nouvelle génération de sonneurs, c'est-à-dire, j'entends par nouvelle génération de sonneurs, ceux qui ont appris à jouer dans les groupes qu'on appelle les bagadous. Hein, et les bagadous sont nés essentiellement dans les années 1950, hein, après la Seconde Guerre mondiale. Et on peut d'ailleurs s'étonner que Plozévat, où il y a eu tellement de sonneurs de tradition jusque dans les années 30-40, n'ait pas connu de bagade, alors qu'à Poulderghat, où il n'y avait pas de sonneur, il y a eu un bagade qui est né dans ces années-là et qui existe toujours et qui fonctionne fort bien, d'après ce que j'entends dire. Bon, mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est que les sonneurs, contrairement aux sonneurs de la nouvelle génération, qui puisent leur répertoire dans les chansons bretonnes, les anciens sonneurs ne prenaient pas d'air de chansons. C'est-à-dire que la musique vocale et la musique instrumentale étaient complètement différentes, étaient séparées de manière très nette. Pourquoi ? Peut-être parce que les sonneurs étaient payés. Quand ils allaient jouer dans une noce, par exemple, ils étaient payés et bien payés. Hein, un sonneur, parce que ces sonneurs-là n'étaient pas professionnels, hein, parce qu'ils avaient un métier à côté, bon, généralement agriculteur ou un autre métier qui leur permettait de vivre, parce qu'ils n'auraient pas vécu uniquement avec l'argent qu'ils gagnaient pour leurs prestations de sonneur. Mais il est bien connu qu'un sonneur qui allait jouer, par exemple, pour une noce, touchait autant en une journée qu'un ouvrier pendant une semaine. Donc ça valait quand même, ils étaient bien rétribués pour leur musique. Et s'ils jouaient quelques airs, des airs bretons anciens, ils essayaient aussi d'enrichir leur répertoire. Et comment ? Eh bien, en essayant d'écouter les chanteurs ou les musiciens à la mode, hein, et notamment dans le pays bigoudin, eh bien, ils prenaient des airs à la mode à Paris ou ailleurs. Et quelquefois, ils allaient voir, par exemple, il est bien connu qu'ils allaient voir le chef de la musique municipale de Pont-l'Abbé, et il leur demandait, est-ce que, tiens, vous n'auriez pas quelques airs à nous donner ? Alors, le chef de musique, eh bien, creusait la tête et quelquefois leur proposait des airs. Alors, il leur jouait ça, et puis eux, ils ne savaient pas écrire la musique, hein, c'était des musiciens routiniers, comme on dit, et ils essayaient de mémoriser ça, et puis rentraient chez eux, ils les rejouaient, et puis après, ils les sonnaient pour faire danser la gavotte. Il fallait évidemment que la structure de l'air le permette, mais ils avaient bien ça en tête, et ils savaient choisir. Hein. Ils prenaient ainsi des airs d'harmonie ou des airs de musique militaire ou des airs de corps de chasse, et puis ils récupéraient ça et ils arrangeaient ça à la sauce bigoudaine, ce qui fait que quand ils choisissaient des airs, ils avaient envie d'en mettre, l'expression courante c'est d'en mettre plein la vue, quoi, hein, quelque chose de brillant, de tape à l'œil, on dit, mais ici ce serait pas tape à l'œil, c'est plutôt tape à l'oreille, quoi, hein. Et de façon à ce que les auditeurs soient baba, quoi, tellement ils jouaient de façon brillante, quoi. Oui, j'ai entendu, par exemple, c'était le cas d'un des sonneurs de Plozévat qui était aveugle, parce que il y avait pas mal d'aveugles parmi les sonneurs, parce que c'était une manière pour eux de gagner correctement leur vie, comme ils pouvaient pas apprendre de métier que les autres pouvaient faire, et qu'ils avaient une bonne oreille puisqu'ils ne voyaient pas clair. Jan Igdal, hein, donc, qui était surnommé Jan Igdal, qui s'appelait en fait Jean Gerloch, Jan Gerloch, eh bien lui, il est allé demander des déserts comme ça à des gens, parce que c'était son gagne-pain, en fait. Hein. Enfin, c'était pas le seul gagne-pain, mais c'était un de ses gagne-pains. Et donc, il composait des suites d'airs, hein, ce qu'on appelle en musique des pots pourris. En pays bigoudin, c'était le cas également dans la région de Lavenne, la région comprise entre Quimper et Quimperlé. Et ils avaient des airs, des suites d'airs plus variées que dans d'autres terroirs. Par exemple, dans le centre Bretagne, où on dansait beaucoup au camp Nadiscan, là, les sonneurs jouaient simplement un seul air, qu'ils répétaient 20, 30 fois, 40 fois, enfin, tant que les danseurs avaient envie de danser. Tandis qu'en Pays Bigoudin, il y avait des suites, c'est-à-dire qu'on jouait un air A, puis un air B, puis un air C, et ainsi de suite. C'était plus brillant, quoi, musicalement parlant. Alors, l'enregistrement le plus ancien qui existe a été fait à Paris en 1900 lors de l'exposition universelle. L'enregistrement a été réalisé par le docteur Azoulay, qui, je crois, était un Suisse, francophone, quoi, de la partie ouest de la Suisse, je veux dire. Et le musicien s'appelait Alain-Pierre Guéguin. C'était pas Louis, hein, c'était un homonyme qui habitait à Pénapon, à Pont-l'Abbé. Il était né en 1845 et on va l'entendre dans un instant. J'ai juste deux ou trois précisions à donner avant. Il joue ici avec un style tout à fait brillant, quatre thèmes de Gavotte Bigouden. Hein, on peut remarquer un jeu très, très détaché. Il joue sur deux octaves, hein, l'octave inférieure et l'octave supérieure. L'octave supérieure étant beaucoup plus difficile. Ceux qui ont essayé d'apprendre la bombarde le savent. Il y a des passages en mode majeur, des passages en mode mineur, ce qui montre quand même musicalement une richesse plus grande que dans les airs de chansons que nous avons entendus et qui sont répétitifs, vu que l'essentiel, c'est de soit d'écouter l'histoire, d'apprendre ce qui se déroule dans l'histoire, soit de danser pour ce qui est des chansons à danser. Alors, il s'était rendu à Paris pour l'exposition avec son compère François Baudivitte, Franche Baudivitte, qui était de Fouesnant, je crois. Mais malheureusement, celui-ci est mort pendant son séjour à Paris. C'est ce qui explique qu'on n'entend que la bombarde. Hein, et il réussit malgré tout à jouer, à reprendre sa respiration sans biniou. C'était certainement pas facile, mais il y est parvenu. Et alors Alain-Pierre Guéguin, qui était parti à Paris pour l'exposition universelle, y est resté 3 ans. On peut se demander ce qu'il est resté faire à Paris pendant 3 ans. En tous les cas, il nous laisse cet enregistrement qu'on va entendre et qui est extrêmement brillant. Guéguin de Pont-l'Abbé, sonneur de bombarde. 1900, hein, ça a plus de 100 ans comme enregistrement. Voilà, donc c'est Les moyens techniques de l'époque, c'est déjà pas mal. Ça fait 112 ans que ça a été enregistré. Ah, oui. Alors, 25 ans plus tard, Louis Guéguin de Plozévette, donc surnommé Jean Pouf, comme je l'ai dit tout à l'heure, est allé à Paris. Alors, également, à l'époque, il fallait aller à Paris pour enregistrer des disques. Et il a enregistré un 78 tours pour la maison Pathé. Et c'est le premier disque de Bignou Bombard qui a été commercialisé. Donc le premier disque de Bignou Bombard commercialisé a été enregistré par un sonneur de Plozévette, hein, donc qui était fils et petit-fils de sonneur. Certains d'entre vous l'ont peut-être connu. Il est décédé en 1962, donc c'est pas si vieux que ça. Alors c'est pas exactement un 78 tours, c'est un 80 tours. Hein, c'est-à-dire que la machine n'était peut-être pas réglée comme elle aurait dû l'être. Il joue donc de la bombarde et il a trouvé comme compère là-bas à Paris, parce que là, il y a les deux sonneurs, ils sont un musicien originaire de Dinan, dans les Côtes d'Armor, je crois. Hein. Dinan est dans les Côtes d'Armor, oui, en Haute-Bretagne en tout cas. C'est l'Ille-et-Vilaine ? Non, Dinan, c'est les Côtes d'Armor. Oui. C'est Dinard. Dinan est dans les Côtes d'Armor. Enfin, à l'époque, c'est les Côtes du Nord, mais enfin bon. Et donc, il s'appelait Marcel Lebouc. Et il a enregistré plusieurs disques, ce Marcel Lebouc, là, sans doute avec tous les musiciens bretons qui allaient à Paris. C'est lui qu'on prenait comme accompagnateur, parce qu'il était censé connaître tous les airs bretons. Mais en fait, il les connaissait mal. Parce que par moments, ici, il a du mal à suivre Louis Guéguin. Alors, Louis Guéguin a enregistré en tout 5 disques. 4 78 tours et 1 45 tours à la fin de sa vie. Alors évidemment, à la fin de sa vie, la technique d'enregistrement a été meilleure, mais comme lui, il avait vieilli, il avait des problèmes de souffle et il jouait mieux, évidemment, à 25 ans qu'à la fin de sa vie. Et donc, on va écouter la gavotte qu'il a enregistrée donc en 1925, accompagnée comment s'appelle-t-il ? J'ai donné son nom. Marcel Lebouc. Alors, Louis Guéguin est très bon. Hein, il a un jeu très, très brillant. Par contre, le joueur de Bignou, il traîne. Hein, il traîne. Déjà, il ne connaît pas bien l'air. Et puis, en plus, son Bignou ne devait pas être non plus en très bon état. Mais bon, la technique d'enregistrement n'était pas non plus, comme on dit maintenant. Enfin, si, à l'époque, elle devait être bonne, mais. De nos jours, évidemment, c'est dépassé. Alors, ce que je vous demande de concentrer votre attention sur le jeu de Louis Guéguin, qui à l'époque était, comme on dit, au top de sa forme. Alors, il y a un gratte, ça gratte, mais enfin bon, c'est l'époque. Hein. C'est assez difficile à écouter, hein, je dois dire. Ouais. Difficile à supporter. Écoutez la virtuosité de Louis Guéguin à essayer de ne pas tenir compte du grattement insupportable. Il a un jeu très, très nerveux. On peut considérer que ça, c'est une gavotte de Plozévet. Hein. Enfin, bon, elle n'était pas dansée qu'à Plozévet, mais gavotte bigouden, quoi, disons. Et qui fait partie d'une famille de gavottes de Sud-Cornouailles. C'est une variante de la gavotte de la Vetne, avec un style particulier, plus beaucoup de piqué, plus vif, plus nerveux, quoi. Voilà. Alors, depuis cette époque lointaine, il y a toujours des sonneurs qui s'intéressent à ce répertoire-là, et ils ont fait beaucoup de progrès dans la qualité du son et dans la technique de jeu. Quoique Louis Gueguin a été bon aussi. Hein. Mais bon, la nouvelle génération a appris à jouer de manière différente, c'est-à-dire qu'ils ont eu quelques notions de solfège. Et donc, mais néanmoins, au début, dans les bagadous, dans les années 1950, là, ils ne s'intéressaient pas beaucoup au répertoire traditionnel. Hein, ce n'est qu'une quinzaine, une vingtaine d'années plus tard qu'ils se sont remis à écouter les anciens enregistrements. Et donc, à s'intéresser aux répertoires locaux, comme les gavottes bigouden, par exemple. Et actuellement, je pense qu'il y a des connaisseurs dans la salle qui doivent savoir que Bernard Le Breton, qui est couramment appelé Bernès Breton de Plomeur, est considéré comme un des meilleurs sonneurs de gavotte bigouden, dans le style bigouden, puisque les sonneurs sont spécialisés dans un style. Il y a ceux qui sont spécialisés dans le style Vannetais, dans le style de Lavenne, dans le style bigouden. Et un des meilleurs sonneurs en style bigouden est Bernard Le Breton de Plomeur. Et il est accompagné ici par Jean-Pierre Elias, qui est du secteur aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui se produit régulièrement dans les festounoses. Et évidemment, la technique d'enregistrement a fait bien des progrès depuis, et vous reconnaîtrez que le son est bien plus agréable à écouter. En écoutant ça, vous vous rendez compte que c'est très différent de la musique vocale, hein. Ça n'a rien à voir avec les chansons, quoi. C'est, musicalement, ce sont deux mondes différents. Alors, je vais terminer en vous parlant un peu de l'accordéon, parce que l'accordéon a aussi été utilisé en pays Bigouden. Donc, l'accordéon diatonique est apparu en Bretagne dans les années 1880. Je ne sais pas exactement à quelle époque il est arrivé en pays Bigouden, mais dans les années 20, en tous les cas, Louis Guéguen, donc le sonneur de Bombarde, là, qui tenait une salle de danse au Gorette, jouait seul de l'accordéon ou dans un petit orchestre avec une clarinette et un saxophone. Nous n'avons pas d'enregistrement de lui à l'accordéon, mais une photo et des témoignages. Il n'est pas certain d'ailleurs qu'il ait interprété les mêmes airs à l'accordéon qu'au biniou et à la bombarde. Il jouait probablement des airs à la mode à l'accordéon, hein, probablement. Alors, à partir des années 30, l'accordéon dit chromatique remplace l'accordéon diatonique. Hein. Le premier accordéon qui a existé, c'est le petit accordéon diatonique. Et dans les années 30, il y a un accordéon plus grand et plus perfectionné, qui s'appelle l'accordéon chromatique, qui a donc été utilisé un peu partout. Et il s'est pratiqué souvent dans les orchestres de bal, où il côtoyait le saxophone, le banjo, la batterie, hein, des orchestres du genre de celui Alfred Jolivet de Ploignour, que certains d'entre vous ont sans doute bien connu. Hein. Alors, il jouait presque exclusivement des danses modernes. Mais ici, par exemple, ils avaient aussi à leur répertoire une suite de danses du terroir où ils étaient. Ils avaient une suite de danses du pays Bigouden, par exemple. Hein. Je me rappelle de voir l'orchestre d'Alfred Jolivet jouer une suite de danses, une suite, hein, pas tout le bal, évidemment. C'était dans les bals de noces pour faire plaisir aux anciens. Hein. Les anciens faisaient une gavotte et puis après, dagousket de gousset. Mais voilà, c'est ça. Ils avaient fait leur danse, ils étaient contents. Hein, ouais. Mais autrement, c'était des valses, des tangos et passos à Kemenzo. Voilà. Donc, néanmoins, il y a eu des airs de danse bretonne joués à l'accordéon. Hein. Et on va écouter un enregistrement qui a été réalisé au cours de la mission de folklore musical donc de 1939, juste avant la guerre. L'accordéoniste s'appelle Pierre Raffalin. Il était de Plogacel-Saint-Germain. Je ne pense pas qu'il soit toujours vivant. Je ne sais pas. Et ça m'étonnerait. Et donc, il interprète une suite de danse du pays Bigouden. Je pense qu'il devait la jouer dans les bals de noces, entre autres. Il y a donc gavotte, bal, jabadao, et il termine par le jibidi. Alors, il a joué, donc, pour être enregistré par la mission de folklore musical. Les morceaux sont très courts, hein, ils durent entre 1 minute 30 et 2 minutes chacun, mais il est évident que quand il avait pour mission de faire danser les gens, il faisait durer, quoi. Soit il répétait, soit il variait. Bon, là, on va entendre simplement des morceaux très brefs. C'est la gavotte, le bal maintenant, pardon. Puis le jabadao. Thank you. termine par le Jibidi. Voilà, en conclusion, juste deux mots, je dirais qu'il existe peu de chansons et d'airs spécifiquement bigoudins. La plupart des chansons et des airs traditionnels interprétés dans le pays bigoudin sont seulement des versions bigoudaines de chansons et d'airs connues dans les autres terroirs bretons aussi, voire plus loin, quelquefois, dans le domaine de langue française. Le monde maritime a certainement joué un rôle important dans la diffusion des chants, des airs et des danses. Je pense notamment à la ronde aux trois pas, là, qui se danse donc sur l'air de Trimartolo Diawang, qui est connu, en fait, tout le long des côtes françaises, c'est connu jusqu'à Fécamp. C'est une danse de marin avant d'être une danse bretonne, mais elle se danse aussi en Bretagne sur des chansons bretonnes. Quant aux chansons qui soulignent le caractère du pays bigoudin et de ses habitants, comme les ouvrières des usines de poissons là, de Saint-Guénolé, elles ont leur équivalent dans bien d'autres régions. Dans toutes les régions, on trouve ce type de chansons-là. Il semble donc que le pays bigoudin se singularise davantage par la coiffe que portaient les femmes et l'évolution de cette coiffe qui a monté aussi haut que vous savez, que par son patrimoine vocal et instrumental qui est moins particulier, on va dire. Voilà, je vous remercie.